Ours, comme va, Ours, ça fait. Ça fait depuis 8h du matin que je suis là. Ça m'a déjà gonflé. Tu es pleine de clip, par le clip, la Gérino, par la Gérino. Va cabrer là. Eh, commence pas à me les casser, Bellomi, hein. C'est bon. Moi aussi, ça fait depuis 8h du matin que je suis là, je les attends. Ils prennent pour qui, sur la vie de ma mère qui m'a envoyé un message sur Facebook, elle m'a dit oui. Non, je m'en fous. Tu vois pas qu'on est en retard pour le centre de l'Algérie. Bro, de toute façon, moi, j'ai pas envie d'aller à ce clip. Il fait que des musiques pour l'été, et moi, je vais écouter. Non, c'est la bombe, j'ai entendu. Il rappe même pas dans les temps. Bah, vas-y, allez, avance, arrête de venir vite. Arrête, quand tu cherches les dégâts. Ah, mais plus vite que je suis moi-même, te fatigué, je me les supporte pas. Tu calmes la tête qu'il a, on dirait David Louis, accroche le corps. Kimbo Naria. Moi je fais l'équipe sur la table. Ça va, ça va l'équipe. Ça va bien. Malgré, j'ai écouté ton dernier son. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais lui, j'ai commencé à le faire écouter. J'ai commencé à me dire oui, j'aime pas trop. C'est un son d'été. Ça s'écoute pas à l'hiver. Et là, Gérino, il rappe pas dans les temps. Il commence à. C'est bon, arrête d'inventer des histoires, tu es en train de m'énerver là. Arrête d'inventer des histoires, tu es en train de m'énerver. Faut pas en aller faire une fuite, moi et lui, là, tu es en train de tout gâcher. Ah, c'est pas vrai là, j'ai jamais dit ça, frérot. Oh, franchement, vous êtes bien les gars ici. Chaud, vous êtes calé. Et ta coupe, oh. Franchement, t'as vu, on dirait Elvis pressé. T'as vu quand il est pressé. T'as vu, il a pas. Il se réveille le matin, bon, je vais, il va direct au travail. Il est compris, il est pressé. Je rigole, là, le prend pas mal, hein, frère, on fait son demain, si tu veux. Par contre, c'est déjà vérité, il veut juste couper les cheveux. Un petit peu, tu as vu, juste tu me rafraîchis un peu sur les côtés. Ça, tu l'as rené, qu'est-ce que tu l'as rené. Boum. D'accord, bah, on m'arrive. Au Gelsin de Vierge, non. Ah, je croyais qu'on se prenait d'insulter ta daronne, gros. Ah, moi, tu insultes ma daronne, non, mec, je vais te mettre un carreau, gros, vas-y. Détends-toi. Il a juste dit qu'il faut qu'il appelle son père. Il fasse un devis, parce que. C'est un chantier, t'as ah. Mais qu'est de vie, gros. C'est même pas un coiffeur qu'il lui faut, enfin. C'est un paysagiste, gros. Pourquoi tu commences à dire de vie. Je crois qu'il va acheter un riz, toi. Comment pas dire bambarman, qu'est-ce que là, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que ça me passe, ça relâche. Mais ouais, mais gros, il a un buisson sur la tête, on dirait Tahiti Boy. Lui, il parle portugais. C'est quoi, c'est une pub pour le Real que tu nous fais, gros. Bande de folles que vous êtes. C'est ça que je te reproche, l'Algérinois. Et bim. Oriental Dream, Habibi. Ingénieur du son, Néné. Nashi à la manigance. Ah ah. Hey. J'suis dans mon bolide. Body every. Achaï à la police. Attache les ceintures en les niquer. On est les princes de la ville. Elle de mon 06. Elle a ma vis le tournevisé. Et tu vas pas la faire à moi. J'entre sur la piste, le bras écarté. La coupe à Elvis et la ceinture élevée. On a le sang chaud, à tirer un danger. Oriental Dream 2015, c'est l'Alger. Ce soir c'est cabaret, cabaret, j'habe le ballon d'une carabina. J'fais danser les Samira, Khadouji, même Katarina. Eywa, Yaz dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bras.